Il est 13h30, voici Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Cette semaine, récit d'ailleurs. Il faut dire une chose importante. C'est amusant d'être journaliste. Des voyageurs ou reporters. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Une histoire en renouvellement. Je crois que gamin, j'étais fasciné par l'idée d'enregistrer des choses avec les yeux. On avait le dessin des principales côtes des continents et des principales îles dès les alentours de 1800. Et qui c'est lui ? C'est le journaliste britannique, Robert Fisk. Il me faut quelques informations. On a une autorisation. Montrez-lui. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, je suis Sylvain Venner, je suis professeur à l'université de Grenoble, spécialiste d'histoire contemporaine. On va passer avec vous plusieurs émissions, Sylvain Venner. J'ai découvert avec énormément d'intérêt vos travaux, votre approche, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, et vous admettrez qu'ils sont sans doute quelques-uns, même si vous avez fait des apparitions, me disiez-vous, avant que ce micro ne soit ouvert, à l'Université de Genève, dans le cadre du festival Histoire et Cité. On va faire un peu une présentation pour ceux qui ne se sont pas rendus ces années-là au festival. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu votre parcours, votre formation, et puis accessoirement, qu'est-ce que c'est que ce goût de l'histoire ? Ça vient d'où ? Moi, je fais partie de ces gens qui font de l'histoire des sensibilités. Ce qui nous intéresse, les gens qui travaillent autour de ce thème-là, c'est l'histoire des émotions passées. Mon terrain de recherche, c'était les voyages. Je travaillais sur l'histoire des voyageurs, des voyageuses autrefois, et de tout ce qu'ils pouvaient ressentir, justement, dès qu'ils prenaient le coche d'eau, le navire à vapeur, le chemin de fer, puisque mes travaux sont plutôt centrés sur le 19e siècle. Comment ça vient, ça ? Un sujet comme ça, c'est d'abord son propre goût des voyages ? Une coïncidence, les hasards de la vie ? Moi, parce que j'aimais bien Rimbaud. J'étais un étudiant qui lisait beaucoup de poésie. Ça sent l'Abyssinie. Voilà. L'Abyssinie et puis toute une partie de sa poésie. On connaissait à 20 ans Le bateau ivre par cœur, Mauvais sang, tous ces poèmes que je serais bien incapable maintenant de réciter d'un bout à l'autre. Il faut dire que pour le bateau ivre, vous avez quelques excuses. Voilà. Et ça m'avait engagé à faire une thèse sur l'histoire du désir d'aventure, à me demander un petit peu ce que c'était que l'aventure pour les gens du 19e siècle. L'intuition de départ, c'était que ce que nous on appelle l'aventure aujourd'hui, probablement c'était pas la même chose naguère, et même probablement c'est sans doute à la fin du 19e siècle, au tournant des 19e et 20e siècles, que l'aventure est devenue ce que nous on appelle l'aventure aujourd'hui. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Ça n'est qu'à partir de ce moment-là que l'aventurier s'est devenu quelqu'un qui, indépendamment de tout devoir, que ce soit la religion, la science, la patrie, peut partir pour vivre des aventures uniquement pour lui-même, dans le but de se découvrir soi-même, de dévoiler le sens caché du monde, de faire de sa vie une sorte de poème en acte. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Rimbaud, à titre posthume, puisque lui n'a jamais défendu cette idée-là, est devenu une figure tutélaire de l'aventure. Comment, dès lors, désigner, appeler un Montaigne qui, lui aussi, part sur les chemins et part pour une aventure intérieure c'est compliqué. C'est-à-dire, comme le disait mon maître Alain Corbin, le postulat euclidien de l'histoire des sensibilités, c'est que l'éprouvé se dit. Si les gens ne nous laissent pas de traces de ce qu'ils ont éprouvé, on peut toujours imaginer que les choses se sont passées d'une certaine façon, mais enfin, c'est quand même étonnant qu'ils ne nous l'aient pas dit. Les voyageurs des 16e, 17e, 18e siècles, j'ai fait il y a quelques années une anthologie de textes de voyage depuis Montaigne jusqu'aux voyageurs contemporains, jusqu'au dernier récit de voyage de Le Clésio, par exemple. Ces voyageurs des temps d'avant, disons de l'humanisme, ou ensuite des temps classiques, étaient mus par un désir d'un voyage utile et raisonné, comme on le disait. Il fallait qu'on revienne au pays, déjà, c'est une première chose. Il n'y avait de voyage que s'il y avait un voyage retour, et qu'on revenait chez soi, mûri par les expériences, ayant appris énormément de choses, étant désireux de mettre tout cela au service de la société de départ. C'est ce qui faisait dire à Jean Kélévitch, par exemple, le philosophe, qu'il y a une énorme différence entre Ulysse et Rimbaud. C'est que Rimbaud, c'est le héros du départ, et que Ulysse, c'est le héros du retour. Et que le voyageur classique, c'est un héros du retour. Alors que ce qui se passe entre, disons, le moment romantique et puis ces alentours de 1900, c'est que ce qui l'emporte sur le désir de retour, c'est le désir de départ, quitte à ne jamais revenir. Quitte à ne jamais revenir, parce que dans le cas d'Ulysse, c'est un retour qui est fait de hoquet, en quelque sorte. Oui, mais Ulysse, son désir premier, c'est de rentrer chez lui, c'est de retrouver sa femme, son foyer, son lit. C'est pas du tout ce que les romantiques vont par la suite faire du voyage et ce qui sera encore exacerbé avec la mystique de l'aventure, c'est-à-dire cette idée de ce que Théophile Gautier appelait la nostalgie de l'ailleurs. Il faut un silence derrière un si beau titre. J'avais un ami ethnologue, Jacques Meunier, que vous avez peut-être connu, qui avait intitulé une de ses émissions « Parlez-moi d'ailleurs ». Mais cet ailleurs, pourquoi un ailleurs émerge-t-il au 19e ? L'ailleurs, c'est une notion compliquée. C'est-à-dire, par exemple, Montaigne en parle. Montaigne invite à penser ailleurs. C'est-à-dire à être étranger à soi-même, à faire l'expérience. C'est ça qui l'intéresse dans l'expérience du voyage. Montaigne, c'est cette idée, comme il le dit d'ailleurs dans un passage des Essais, que le voyage permet de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. L'altérité, donc. L'altérité, ce qu'on appellera par la suite, avec les anthropologues, l'altérité. Alors que ce qui va émerger, alors un peu avec Rimbaud, mais surtout avec les usages de Rimbaud au XIXe siècle, c'est cette idée que la vraie vie est ailleurs. Ce que Rimbaud n'écrit pas, hein. C'est quelque chose qu'on lui fait dire. Mais cette idée que la vraie vie est ailleurs, alors elle autorise tous les départs. Puisqu'on va essayer de se trouver, alors ce que les romantiques appelaient une patrie de l'âme, un endroit dans le monde où on va être en adéquation avec soi-même. Et là, je ne parle que du voyage, je parle que du départ. Parce que ce qu'ajoute, à partir de la fin du XIXe siècle, cette figure nouvelle de l'aventurier, ce désir d'aventure, c'est autre chose que le seul départ. Il y a aussi derrière le danger, la fréquentation des parages de la mort et toute la mythologie du risque. Sylvain Vénère, j'aimerais que vous nous présentiez Lucie. Alors qu'il n'y ait pas d'embrouille, Lucie n'est pas du tout ce petit être découvert par Yves Coppens il y a de ça fort longtemps en terre africaine, mais le laboratoire de l'université Grenoble-Alpes qui réunit historiens de l'art, musicologues, etc., etc., où, je crois savoir, vous exercez, ou vous avez exercé. Oui, j'ai été le directeur et même, d'une certaine façon, le fondateur de ce laboratoire. Non, monsieur le fondateur, c'est à vous. Lucie, c'est un acronyme comme l'université les aime, ça veut dire laboratoire universitaire, histoire, culture, Italie, Europe. C'est un laboratoire qui rassemble des historiens de l'art, des musicologues également, des spécialistes de littérature autour de programmes de recherche qui concernent les circulations transnationales. Alors, d'abord entre l'Italie et la France, puisque nous sommes à Grenoble et que c'est un lieu de passage important, mais aussi de façon plus générale à l'intérieur de l'Europe. Et on essaye aussi de promouvoir, puisque moi-même je suis... aussi un de ces historiens qui est un peu attiré actuellement par ce qu'on appelle l'histoire monde, la world history. On essaie d'élargir ces questions de circulation à l'ensemble de la planète. Ça laisse à penser, quand on voit un historien de l'art, musicologue, que vous aimez aussi que des convergences de recherche s'opèrent. Oui, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et puis, il y a tout de même des problématiques souvent proches. Quand je travaillais sur l'histoire des voyages et l'histoire de l'aventure, il était inimaginable de ne pas le faire avec des littéraires qui avaient étudié depuis très très longtemps les grands récits de voyage du XIXe siècle ou les textes des poètes de la fin du XIXe et du début du XXe sur ces questions-là. Mais par exemple, sur un langage autre qui est celui de la musique, en quoi la musicologie peut nourrir l'historien que vous êtes ou a pu le nourrir ? La musicologie, c'est évidemment un petit peu plus compliqué, mais quand j'ai aussi travaillé sur une émotion qui m'intéressait beaucoup, qui est la nostalgie, qui est étymologiquement le désir du retour, justement, le désir du retour au pays natal, le mal du pays, pour le dire autrement. Et cette émotion-là, quand certain nombre de penseurs essaient de s'en saisir à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Ils mettent au premier rang de leurs préoccupations la musique. Rousseau le fait dans son dictionnaire de musique, puisque à propos de ce mal que les Suisses auraient, le ranse des vaches, qui provoquerait chez eux cette nostalgie qui est tout à la fois ce Sehnsucht romantique, et qui est une sorte d'aspiration vague à quelque chose qu'on n'a pas, et puis le très concret mal du pays. J'ai écrit comment cet homme-là bosse-t-il, puisqu'on s'intéresse, et nous avons tous ça en commun, d'avoir, sauf évidemment malheureusement les chômeurs, un métier au quotidien. Ça exige un certain nombre de contraintes, d'intelligence, de capacité à contourner les obstacles, parce que systématiquement il y a quelque chose qui se met en travers, tout au moins assez fréquemment. Qu'est-ce que c'est que la pratique de votre métier au quotidien ? Ah ouais, c'est très différent. Ça dépend des aspects du métier. Une partie de mon métier consiste à produire des cours pour les étudiants, des cours que je change à intervalles réguliers, que j'articule à mes recherches, mais enfin qui nécessitent beaucoup d'aménagements, selon plus qu'on s'adresse à des étudiants de première année ou de cinquième année. Donc ça, ce sont des choses que je fais en général chez moi. Vous avez combien d'étudiants au total sur... Oh, ça dépend des années. Après, il y a toute la partie recherche. Quand on est lancé dans un livre de recherche qui implique des séjours ailleurs que chez soi, à la bibliothèque en particulier, moi je travaille beaucoup à la Bibliothèque nationale de France, ou selon les objets de recherche, dans des centres d'archives. Il y a une partie du travail qui est l'écriture elle-même, qui prend beaucoup de temps. Alors ça, c'est moins une question de lieu qu'une question de moment. Moi, je suis un écrivain du matin. Donc je peux me lever assez tôt pour écrire. Quand je suis lancé dans l'écriture, je peux me réveiller. D'ailleurs, être réveillé moi-même par la perspective de l'écriture vers 6h ou 7h du matin. Interrompre ça en fin de matinée parce qu'après, je n'y arrive plus. Et puis, il y a toute une partie de mon activité qui se fait à plusieurs. Je fais aussi partie de ces historiens. Alors là, pour le coup, on n'est pas très nombreux. Mais enfin, tout de même, qui essayent d'utiliser le langage de la bande dessinée pour parler d'histoire. Donc je dirige une collection qui s'appelle Histoire dessinée de la France, dont j'ai moi-même co-scénarisé le premier volume qui était consacré aux origines. Ça implique de travailler avec des dessinateurs, mais aussi des directeurs artistiques, des éditeurs, des auteurs, bien entendu, parce que quand il s'agit de faire un volume sur comme celui qui va sortir là au mois de mai sur les temps carolingiens, mais moi les temps carolingiens je connais très mal, donc j'ai besoin de me mettre un peu à niveau. C'est de votre initiative, ça, cette collection-là ? Je pratiquais la bande dessinée un peu en amateur, c'est une passion. Mais en tant que... le crayon à la main, donc ? En tant que scénariste. J'avais fait quelques essais, quelques bandes dessinées. Comme j'avais cette double casquette d'historien, et en plus d'historien de la France, et de scénariste de bande dessinée, les éditeurs sont venus me trouver quand ils avaient cette idée d'une histoire dessinée de la France en 20 volumes. Pour me demander de la chapeauter, 20 volumes. Donc au printemps, on en aura quand même publié 8. Compliment. Ce qui fait une belle aventure éditoriale, absolument. Ouais. Donc avec des dessinateurs multiples ou toujours C'est 20 volumes, 20 dessinateurs et 20 historiens différents à chaque fois. Et avec une grande variété de styles graphiques, l'idée étant que aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre écrire une histoire de France d'un seul trait, comme le faisait Michelet, par exemple, encore. Mais comme ne le faisait presque plus personne au XXe siècle, il faut que des compétences se rassemblent pour pouvoir produire un récit aussi, aussi grand, aussi long que l'histoire de France depuis les temps les plus reculés. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une partie d'un livre d'histoire, ça vient de notre documentation, bien sûr, de nos archives, de la façon dont on travaillait pour les périodes les plus anciennes, par exemple les archéologues. Ça vient aussi de ce qu'ont écrit les autres historiens, ça vient de notre bibliographie, tout ça c'est vrai. Mais une partie d'un livre d'histoire vient aussi de l'historien lui-même. Tout ce qu'il dit est vrai, certainement. Il y a des méthodes, pour ne pas dire de bêtises en histoire, qui font qu'un historien professionnel dira la réalité telle qu'elle s'est passée. Mais il le fera aussi, comme les livres sont d'une taille limitée, en fonction de ses préoccupations. Et tel historien vous parlera davantage des voyages, par exemple, et tel historien vous parlera davantage d'autres objets, parce que ce sont ses préoccupations. Préoccupations qui, pour une part, sont les siennes, pour une autre part, sont celles de l'époque. On imagine mal aujourd'hui, par exemple, faire une histoire de France des origines à nos jours, où il ne serait pas question de l'histoire de l'environnement, alors que ces problématiques n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Est-ce que ça sous-entend, Sylvain Wenner, qu'il faut trouver là, assez régulièrement, son ou ses alter ego? Vous parlez du dessinateur? Non, je parle de, en général, à partir du moment où vous évoquez la notion de collaboration, c'est-à-dire d'élargir et de ne pas vous contenter d'être seul auteur face à votre partition devant l'éternel. Oui, je dirais pas des alter ego, ce sont plutôt des interlocuteurs qui vous font progresser, qui vous font dévier de votre sens initial. Donc, il y a 3 ans, quand nous avons publié avec Pierre Saint-Garavelou cette histoire du monde au XIXe siècle, on a rassemblé 90 historiens. On avait conçu l'architecture du livre, on avait réfléchi aux questions qu'on voulait poser, mais nous n'étions pas spécialistes, et loin de là d'ailleurs, de tous les aspects de l'histoire du monde au XIXe siècle. Et par les retours qu'on avait, on s'est aperçu parfois qu'on avait de très mauvaises idées de départ, parfois qu'on avait une bonne idée de départ, mais qu'on ne s'attendait absolument pas à recevoir le texte que finalement on a reçu parce que nous n'étions pas spécialistes. Et ça, ce sont des choses qui nous permettent de progresser. D'ailleurs, on va faire avec Pierre Saint-Garavelou une suite à ce livre, parce que des idées sont venues pendant cette histoire-là, dont on s'est aperçu à la fin que le livre ne permettait pas de les exploiter. Entrons donc avec vous, Sylvain Wenner, sur cette histoire-là. J'entends par là cette façon de traiter l'histoire. Je me suis mis plusieurs mots, histoire mondiale, histoire connectée, histoire comparée. Est-ce que les termes à choisir sont importants, comptent et permettent de mieux définir l'objet, mais surtout, essayer de nous présenter une ou des techniques de travail. Ont-elles été renouvelées par rapport à ce qui se faisait avant ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les 3 termes que vous donnez sont nés à des moments très différents, donc le plus ancien étant l'histoire comparée. Ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on décide de faire l'histoire du monde, de très longue date, ça s'appelait l'histoire universelle. C'était en général tout plein de données bibliques ou religieuses. Il y a plein de façons d'en parler, il y a des gens qui peuvent en parler de façon beaucoup plus savante que moi, qui ne suis pas un praticien de l'histoire monde, qui essaie de comprendre ce qui s'y passe, hein, mais qui ne la pratique pas. Et d'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que si on veut la pratiquer en toute rigueur, comme le font des gens comme Sanjay Subramaniam, par exemple, ou Romain Bertrand, il faut aussi maîtriser un certain nombre de langues qui permettent d'aller exploiter des archives différentes. Quand Romain Bertrand étudie les premiers contacts entre les Hollandais et les Javanais au début du XVIIe siècle, et il a des sources en hollandais, il a des sources en javanais, il a des sources en portugais, et c'est de cette façon-là qu'on peut, en croisant ces sources-là, produire une histoire qui soit une histoire qui donne le point de vue d'un petit peu tout le monde. Donc, c'est évidemment une préoccupation un peu morale et politique contemporaine qui est très liée à la situation postcoloniale, c'est-à-dire cette idée qu'il faut redonner la parole à tout le monde et ne pas produire un discours qui a été quand même pendant un bon siècle uniquement le discours qui venait occidentalo-centré, comme on dit, le discours qui venait des Européens. Mais en même temps, si c'était que ça, ce serait pas très intéressant. Ce serait juste une posture morale. Réducteur, oui. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle question, elle permet de faire émerger aussi des regards un peu différents, de comprendre que les choses se sont pas passées exactement comme on les racontait quand on était strictement du point de vue de l'Europe. on parlait de la musique tout à l'heure. Là, pour un livre à paraître sur l'histoire du monde par les objets, dans cette logique d'une histoire du monde du 19e siècle, moi, je me suis un petit peu intéressé à la façon dont avait été créé et circulé le piano. Si vous vous intéressez à ça, vous constatez que le piano est une invention européenne, on est bien d'accord, à la fin du XVIIIe siècle, en Italie d'abord, puis après il y a des pianos qui viennent très célèbres, comme ce piano de Liszt qui fait le tour de l'Europe. Ces pianos, on les exporte assez vite, il y a des pianos dans le Far West, il y a des pianos dans le Rio de la Plata, il y a des pianos à Tahiti dès le milieu du XIXe siècle. On finit par les fabriquer ailleurs, Yamaha fabrique son premier piano en 1900, c'est aujourd'hui le premier fabricant de pianos du monde, et pendant très longtemps pour fabriquer des pianos, il vous faut de l'ivoire pour les touches blanches, de l'ébène pour les touches noires. Derrière, il y a toute une économie qui se met en place, alors beaucoup en Afrique de l'Est, de la chasse aux éléphants, et le 19e siècle est quand même le siècle du grand massacre des éléphants. Sans parler de la multitude des bois nécessaires à la lutherie. Oui, mais derrière la chasse aux éléphants, il y a la création de bandes de chasseurs. Ces bandes de chasseurs, elles finissent par former les armatures de petits états. Et on peut très très bien voir derrière cette demande d'ivoire, principalement, un phénomène qui a joué son rôle dans la despotisation des sociétés africaines au 19e siècle. Donc vous prenez un objet comme ça, et vous voyez comment est-ce qu'en quelques phrases, en fait, on a fait le tour du monde. Ça, cette façon d'aborder les problèmes, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre assez facilement, que finalement tout le monde peut faire à partir en tout cas d'une bibliographie secondaire. C'est beaucoup plus compliqué à partir de sources d'époque. Et qui ouvre des perspectives sur l'histoire. Vous concernant, c'est comme ça, puisque vous avez cité le nom d'Alain Corbin, que vous avez été un peu formé, mais il faut entendre que dans les courants historiques, dans les approches, il y a eu des moments, des ruptures. L'histoire quantitative venait à une certaine époque, disons dans le milieu des années 70, en France, et qu'elle a été, à partir du moment où elle a émergé, l'occasion de débats, voire de polémiques assez rugueuses. En est-il de même pour cette, j'appelle ça nouvelle histoire, l'expression n'est sans doute pas très bonne, mais en tout cas, cette nouvelle manière de travailler, est-ce qu'elle engage également des polémiques avec d'autres courants d'historiens? Pour ce qui est de la tentation actuelle de comprendre ce que l'échelle du monde peut ajouter à la connaissance historique, ou même simplement aux interrogations qu'on se pose sur le passé, je pense pas qu'il y ait de controverses scientifiques sérieuses. On entend des choses qui sont plutôt dans le débat public, en disant, ah là là, ces historiens qui s'intéressent au monde, eh bien finalement, ils s'intéressent plus à la France. Mais c'est une... J'ai déjà entendu ça quelque part, en effet. Mais ce sont des considérations qui ont peu à voir avec le savoir. C'est alors que les débats qu'il y avait autour de l'histoire quantitative, ou les débats autour entre histoire sociale et histoire culturelle, enfin, tous ces débats étaient des débats internes aux historiens. La question de savoir si, en faisant de l'histoire monde, on ne fait plus de l'histoire de France, est un débat qui est purement politique, qui n'a pas de soubassement savant. Même si ce débat peut être porté par des savants, mais à ce moment-là, ils sont portés par des savants à titre de leurs opinions politiques. Cela étant, diriez-vous que cet aspect politique peut faire beaucoup plus de bruit et avoir plus de résonance, notamment dans les médias, il aurait tendance à prendre un peu le dessus et mettre un peu dans l'ombre la connaissance de vos recherches. Quand je dis un vous, c'est un vous évidemment collectif. Oui, non, je crois pas trop. Le grand public vous suit, c'est ça que je veux dire. Ah bah ça dépend de ce qu'on fait, mais oui. Alors il y a aussi un effort beaucoup que font les historiens ces derniers temps, qui est précisément de sortir de l'université et de s'adresser au public le plus vaste possible. C'est ce que moi je fais avec cette entreprise de bande dessinée, mais c'est ce que font d'autres personnes en travaillant avec des dramaturges ou avec des cinéastes. Pierre Saint-Garvelou a fait ce petit film récent qui s'appelle Décolonisation, une série en trois volets pour la télévision française, enfin franco-allemande, qui permet de montrer aussi justement ce qui est en jeu dans cette histoire, qui essaie de raconter l'histoire des colonisations et des décolonisations du point de vue des peuples colonisés et pas du point de vue des colonisateurs, ce qui est une façon de raconter la même histoire en réalité, mais simplement en changeant le regard et de voir ce que ça permet de créer comme type d'interrogation. Beaucoup de collègues sont engagés dans ce type de démarche actuellement. Je pense que les historiens qui viennent de l'université continuent malheureusement à toucher moins de public que les publicistes qui n'ont pas de compétences particulières en histoire, mais qui, eux, savent toucher immédiatement. Ce sont des animaux médiatiques. Un grand public, voilà. Et qui, d'ailleurs, en France actuellement, ça n'a pas toujours été le cas. Hein, si on se souvient d'Alain Decaux, par exemple, mais qui, en France, aujourd'hui, sont plutôt, presque tous, engagés à droite. Donc, de fait, quand il y a des critiques, quand ces gens-là font des critiques sur notre travail, donc c'est assez facile d'imaginer que parce qu'un historien se demande ce qui se passe à l'échelle du monde, eh ben, il est antipatriotique. Ou quand un historien se demande s'il faut regarder l'histoire des peuples colonisés à partir des yeux des peuples colonisés, eh ben, il est antipatriotique. Non, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que la question se pose du point de vue des historiens. Mais vous seriez sans doute d'accord pour ne pas réduire tout être plutôt à droite avec ce simple point de vue. Il y a sans doute également, au-delà des ultra-patriotes, des gens plus nuancés dans leur approche. Oui, bien sûr. En plus, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise échelle et pas de mauvaise façon de faire de l'histoire. J'ai fait ces dernières années. Je dirige tout de même une histoire qui est une histoire dessinée de la France. J'ai dirigé un ouvrage collectif sur l'histoire du monde au XIXe siècle et le travail que je suis en train de produire actuellement qui est sur l'histoire de la façon dont on réagissait aux guerres lointaines au XIXe siècle, je le fais à l'échelle de l'Europe. D'un point de vue d'ailleurs dont j'assume qu'il soit strictement européocentré puisque ce qui m'intéresse c'est la façon dont on parlait en Europe des guerres qui étaient conduites hors d'Europe. Dans une sorte de généalogie de problèmes qui sont très très contemporains, puisque moi, depuis que je suis né, mon pays, finalement, il est en guerre. Mais sauf que cette guerre-là, je ne l'ai jamais vue, puisque ce sont des campagnes qui ont été menées au Koweït, au Mali, en Syrie, en Libye, ou ailleurs. Donc, au XIXe siècle, cette question-là, elle était très prégnante. Hein. C'est vraiment le moment où se met en place un régime de l'image, un régime de la presse, un régime des représentations de l'opinion publique qui entre, en gros, si on veut le faire simple, entre le combat abolitionniste et la Première Guerre mondiale, met en place une grande partie des outils qui nous permettent aujourd'hui de penser les guerres lointaines. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de radio, mais en fait, logiciel, si on veut, l'imaginaire de l'opinion publique face aux guerres se met en place à ce moment-là. Fin Vénère, on va se retrouver demain pour la suite de ce passionnant entretien. On sera encore dans votre domaine puisque nous nous poserons avec vous au 19e siècle. À demain. À demain.